Embaucher sans embûche, c'est encore possible? Comment être plus vert sans être dans le rouge? Ou trouver de bonnes informations sur les formations? Être chef d'entreprise, c'est se poser beaucoup de questions. Avec le mouvement des entreprises de France, vous n'êtes jamais seul pour y répondre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur medef.com. France Inter. Oh, ma jardinière, je préfère avoir une épouse comme Coluche qui a de la personnalité. Ah, je perds ma jardinière, regardez, elle est tombée au-dessus du genou. Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, deuxième épisode de notre semaine consacrée à l'humour et à cette question vieille comme la nuit des temps et pourtant toujours d'actualité, peut-on rire de tout ? Après avoir traversé hier le temps des cabarets dans les années 50-60, avant d'aborder demain l'affaire des caricatures de Mahomet, puis le rire des banlieues dans les années 2000, jeudi, arrêtons-nous aujourd'hui sur les décennies 70 et 80 avec deux figures centrales de l'humour français, Coluche et Thierry Leluron. Le 25 septembre 1985, ils sont réunis tous les deux sous le regard des caméras, le temps d'une séquence médiatique planifiée, et on se souvient tous de cette image. Coluche, travesti dans le rôle de la mariée, Thierry Leluron en haute forme dans celui de l'époux, tous les deux sur une calèche à parader dans les rues de Paris, gigantesque boutade. Mais que nous dit cette blague retransmise en direct? En quoi ce 25 septembre 1985 est-il à la fois l'apogée et la fin d'une certaine forme d'humour? Notre invité aujourd'hui, Bernard Mabille, humoriste et auteur. Il a travaillé avec Thierry Leluron et a bien connu Coluche. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Simon Mézanob, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est dans l'actualité de ce mercredi, ce que certains d'entre vous ne considéreront pas comme un événement majeur, mais comme clin d'œil dont le seul objectif est de nous faire sourire. Je veux bien sûr parler de cette drôle d'union, à vous de juger, qui a été célébrée ce matin à 11h, le mariage de Coluche et de Thierry Leluron. Le 25 septembre 1985, Paris, Montmartre. Il est 11h ce matin-là, quand un cortège d'une curieuse nature s'attroupe autour de la place du Tertre. Télévision et radio sont au rendez-vous, caméras et micros tendus, pour accompagner les centaines de personnes qui entourent une calèche tirée par deux chevaux. Sur les sièges passagers, un couple, à l'allure curieuse, s'apprête à s'unir. À droite, Coluche, recouvert par les maîtres de mousseline blanche dans sa robe de mariée, perruque blonde sur la tête, maquillée comme un sapin de Noël. À gauche, chapeau de forme, costume trois pièces, Thierry Leluron. Mariage d'amour, mariage de raison, mariage religieux, mariage civil, mariage façade, mariage passion, décline à l'infini l'institution maritale, revêt ce jour-là de nouveaux habits. C'est l'union farce, baignée de rire. Le mariage, surtout, de deux artistes qui, depuis 15 ans, se sont imposés comme les deux grandes vedettes du comique. Coluche le clown, transgressif, de gauche. Leluron, l'imitateur, intégré, de droite. Copain de la bande des Giscard d'Estaing, Daniel Gilbert et compagnie. Coluche le prolétaire, Leluron la classe moyenne. Le fils d'immigrés italiens et l'enfant de Bretagne. L'homme du café-théâtre, le fils prodigue. L'homme de troupe, le solitaire, le clown et le gendre idéal. Coluche et Leluron, c'est aussi deux Frances qui s'unissent ce jour-là. Un mariage des contraires, réuni depuis plus de 10 ans par un même art, le rire. Faire rire d'une nouvelle manière, avec de nouveaux moyens. Voilà ce qui réunit ces deux hommes ce jour-là et la foule qui les entoure. Un humour provocateur, rebelle, politique, qui depuis une décennie déferle sur la France de l'après-mai 68. Accompagnés par l'essor des médias, notamment audiovisuels, l'un et l'autre ont participé ou présenté des dizaines d'émissions de radio et de télé, vendu des millions de disques et rempli les plus grandes salles parisiennes sur des centaines de dates. Pourtant, en ce 25 septembre 1985, c'est en extérieur, dans la rue et au milieu de la foule que les deux hommes décident de mettre en scène leur dernière idée, une parodie de mariage. Une sortie carnavalesque qui donne l'impression d'être dénudée de toute revendication politique ou sociale. Alors, comment est née cette idée et pourquoi ? Comment ces deux artistes sont-ils arrivés à décrocher la gloire, donc la lune ? Que disent-ils du rire des années 80 ? Pour le comprendre, et comme souvent, il faut revenir quelques années en arrière, quand tout a commencé. Quel est ton nom ? Thierry Leluron. Thierry Leluron ! J'ai envie de dire un gay luron, mais ça se fait pas, ça. On peut pas, ça c'est... Je l'ai fait l'année dernière, à la quinzaine commerciale. Alors, Zic. 4 janvier 1970, c'est dimanche soir, c'est Thierry Leluron qui le premier entre en scène. Une scène particulière, puisqu'il s'agit de la télé et d'un genre d'émission promis à un bel avenir qui écrit là ses premières lignes, le Radio Crochet. C'est Télé Dimanche donc, avec le jeu de la chance, orchestré par Jacques Martin, et c'est un jeune garçon de 18 ans qui en paraît 12, épinglé dans son costume parfaitement taillé, que la France découvre ce soir-là. Enfin, la France découvre surtout une voix, car Thierry Leluron, c'est d'abord ça. Et cet air d'opéra qu'il choisit ce soir-là a tout du défi et de la signature. Et ça marche. À l'époque, on vote par correspondance. Alors, Thierry revient chaque semaine, chaque dimanche, pour une nouvelle démonstration. En coulisses, il fait entendre aux producteurs de l'émission, ravis de leur découverte, l'étendue de ce don hors du commun, sa voix et ce qu'il sait en faire. Un don que Thierry Leluron décide de mettre au service d'une forme d'humour, jusque-là peu ou mal vue, l'imitation. Adolescent déjà, devant le poste de télé avec son père, sa mère et ses deux sœurs comme premier spectateur, Thierry s'amuse à imiter, comme ça lui vient, naturellement chanteur, vedette, présentateur. L'adolescent copie, grossit, déforme le ton, le timbre et le rythme des personnages du petit écran. Et comme à tout imitateur digne de ce nom, il faut une mascotte, une personnalité de référence. Pour Thierry Leluron, ce sera le Premier ministre de l'époque, Jacques Chaban-Delmas. Si vous voulez, je vous parler de mes projets futurs, évidemment. Je suis en train de préparer un nouveau disque de mon récital à l'Assemblée nationale, qui sortira le plus près possible de ce jour. Il y aura en effet certains de mes grands thèmes, comme la participation, la nouvelle société, l'équipe, etc., etc. Pas d'accordéon. Et pas d'accordion, pas encore. C'est « Je laisse ce soin » à Valéry Giscard d'Estaing. C'est l'année Chaban. Nommé à Matignon 6 mois plus tôt par le nouveau président, Georges Pompidou, le maire de Bordeaux, jeune, fringant, doit incarner le nouvel élan, la nouvelle politique, la nouvelle société, comme il l'appelle. Une idée qui a pris en compte le souffle de mai 68 et qui engage la France sur le chemin des réformes. Chaban, c'est un style et surtout une façon très particulière de parler, idéal pour l'imitation. Ce sont les premiers temps d'une nouvelle sorte de duo, la politique et son imitateur. Premier temps sage. L'imitation de Leluron se garde bien de toute critique ou dénonciation, non. Elle s'occupe juste de mimer les accents et les gestuels du politique. C'est avant tout caricature, voix forcée, technique, enfin, rien de bien subversif. Mais il faut du temps pour que la palette déployée par le précoce humoriste ne tape dans l'œil d'un promoteur. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit de Paul Lederman. À tout juste 30 ans, le manager est déjà connu du milieu. C'est lui qui s'occupe de Claude François, chanteur vedette de l'époque. Lederman appartient à cette catégorie de professionnels qui sentent les coups, comme on dit, et il voit déjà en Leluron le succès à venir. Leluron et lui pressentent que l'imitation, notamment des chanteurs, jusque-là réservée aux salles obscures et étriquées des cabarets, peut être un véritable show de music hall, s'installer dans les plus grandes salles et être édité en disque. Premier vinyle, premier bobino, premier Olympia, première partie de Claude François dans toute la France à l'été 72, Lederman fait de Thierry Leluron une vedette d'à peine 20 ans. Et c'est ce même Lederman qui fait le pont entre Thierry Leluron et un autre garçon plus âgé, encore inconnu du grand public en ce début de décennie, et qui pourtant trace sa route depuis quelques années déjà. Le café-théâtre, ça remplace probablement le cabaret, hein ? Le cabaret de la rive gauche, les cabarets rive gauche qui étaient des cabarets d'auteurs, qui sont morts de vieillesse, hein ? C'est-à-dire qu'on y voyait toujours les mêmes, donc le public a fini par les connaître. Et comme les mecs ne devenaient pas vedettes, ils se sont dit « tiens, on va aller ailleurs ». Et puis en fait, ceux qui se sont dit « on va aller ailleurs », c'est surtout Bouteille, parce qu'en fait, avant que Bouteille ne fasse le Café de la Gare, le Café de Théâtre n'avait pas de nom. C'est vraiment Bouteille qui a donné ses lettres de noblesse au Café de Théâtre, et parce qu'il avait compris absolument. C'est un nouveau style, quoi, quand même, de jeu, d'acteur, non ? Non, pas du tout, bah, je suis persuadé, moi j'ai pas vu parce que j'étais trop petit, mais je suis sûr que Yves Robert a fait la même chose à La Rose Rouge, il y a 20 ans, je suis sûr. C'est une autre histoire que raconte celle de Michel Colucci, dit Coluche. Une histoire qui pourrait reprendre ce qui est écrit là, sur le fronton, au-dessus du Café de la Gare, où il fait ses premiers pas avec Romain Bouteille, Miu Miu, Patrick Devers et les autres. C'est moche, c'est sale, c'est dans le vent. Le vent, oui, celui de mai 68, qui voit naître dans sa foulée un bouillonnement culturel d'un genre nouveau. C'est le temps d'Arakiri, de Pilote et des cafés-théâtres qui pullulent partout à travers la capitale. Enfant de la zone, la vraie, celle qui jouxte Paris, dans l'après-guerre, Coluche affine son art dans ce terreau de l'humour post-68 art qui voit naître les premières formes de one-man show du comédien seul en scène. Un dispositif dans lequel Coluche excelle. Il y retrouve le plaisir du musical, de la prise de risque. J'aime le spectacle en général, j'adore ces trucs-là et j'aime ça, j'aime bien le spectacle. Et il n'y a qu'au musical qu'on fait encore du spectacle, parce qu'au théâtre, on en fait très très peu. Hein. Mais j'aime bien le musical parce que le musical, c'est vrai. Il y a un mec qui arrive, il fait la deuxième partie tout seul. Bon, le public est venu pour le voir. Il ne doit pas décevoir, il a un combat à livrer, il va le livrer tout seul. Et c'est vrai, il est là, voilà. Bouteille, quand un comédien rate une réplique en scène, il dit... Eh ben, t'as de la chance de pas être funambule parce que tu serais mort. Voilà, c'est ça. Si un funambule au cirque rate un pas, il tombe par terre. Si un comédien rate une réplique dans la pièce s'en sort. Ça prouve que la pièce est imparfaite. Le caractère colérique et parfois autoritaire de Coluche sied mal à l'esprit de troupe de Bouteille. Alors il s'en va et monte le vrai chic, où il est le seul maître à bord. Avec ses nouveaux compagnons, ils se produisent où ils peuvent, comme ce soir de 1973 pour l'inauguration des nouveaux locaux de la régie publicitaire de RTL. Au sous-sol, Coluche et sa troupe amusent la galerie et la soirée. Un homme remarque immédiatement le talent du jeune humoriste. Il s'appelle Claude Martinez et il travaille avec Paul Lederman, qui lui aussi tombe sous le charme du jeune Coluche. D'ailleurs, il lui propose d'écrire des sketchs pour la jeune vedette de son écurie, Thierry Leluron, qui depuis quelques mois a son émission à la télé Leluron Dimanche. Coluche décline. Ce n'est pas le même monde. Non, il faudra encore attendre avant que la route des deux hommes ne se croise. Reste que c'est quand même à la télé que Coluche va se faire un nom auprès du grand public, et d'une manière pour le moins inattendue. Le 5 mai 1974, au soir du premier tour de l'élection présidentielle, l'annonce des résultats se fait attendre. Alors à l'écran, il faut combler, bien sûr. Et c'est ainsi que Coluche se retrouve, à son tour, sur le devant de la scène télévisée. C'est l'histoire d'un mec. Vous la connaissez, non ? Non, parce que, si vous voulez, là, c'est l'histoire d'un mec, mais, vous la connaissez, non? Non, dites-le, parce que quand les gens la connaissent, ça prend un air d'un coup. Hein. Facile à dire avec le recul et le verdict du temps. Mais dès ce premier sketch, à y regarder de plus près, on voit tout ce qui fera de ce nouveau comique un personnage de légende. l'univers absurde, cette histoire d'un mec, de ce pont de l'Alma. Un texte de génie, un truc totalement novateur et des talents de comédien hors normes. Le rythme, les intentions, les mimiques, les ruptures, tout y est parfait. Comme l'esquisse de ce que deviendra ce bonhomme en salopette, le plus grand de tous. Il est 20h, Sofres au RTF, Giscard 50,9, Mitterrand 49,1. Je répète ce chiffre, Valéry Giscard d'Estaing, 50,9% des suffrages, François Mitterrand, 49,1% des suffrages. En 1974, avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, une nouvelle page s'ouvre. Thierry Leluron, désormais séparé de Paul Lederman suite à une brouille, trouve de nouveaux personnages à imiter, François Mitterrand, Georges Marchais et consorts. Et il trouve un nouveau camarade de jeu, avec Pierre Desproges, dans le rôle de l'intervieweur. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ici au coin de la bûche pour un entretien exceptionnel avec Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, président. Je vais vous dire de quoi il est président, parce que c'est pas très. Président de la République. Malheureusement, il me semble que Giscard est à la bourre. Ah ben non, j'entends son pas. C'est lui. Bonsoir, mon président. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Je suis venu vous présenter tous mes voeux pour 1977. 18, excusez-moi. Ah bon? Ah oui. Tout augmente. Mon cher Morosi. Excusez-moi, mon caporal-chef, mais je ne m'appelle pas Morosi. Je suis issu d'une vieille famille de coureurs cyclistes. Mon aïeule, Germaine, elle-même... On ne vous demande pas si votre grand-mère fait du vélo. Les Françaises et les Français jugeront qu'il y a quand même des urgences plus cruciales. Coluche, lui, est resté au côté de Paul Lederman. Les deux hommes lancent le Schmilblick, une parodie du célèbre jeu télévisé de Guy Lux, dans lequel Coluche incarne tour à tour des personnages types bientôt très familiers des Français. Papy Mougeot, le Belge, l'Arabe. À travers cet exercice de démultiplication, Coluche montre la diversité de son jeu, de son humour, et surtout, il imprime déjà son écriture sulfureuse. Il se joue des codes racistes patriotiques, se moque des anciens combattants, il raille surtout les écarcans de pensée qui touchent la France. Le disque du Schmilblick s'écoule à des centaines de milliers d'exemplaires. Coluche enchaîne avec un spectacle sur la scène du Bobino, comme le Luron quelques années auparavant. À travers une vingtaine de sketchs et des chansons, l'humoriste écrit et joue son premier one-man show et surtout, il affine son personnage, ou plutôt, il le grossit, oui, littéralement. Il se joue de l'embonpoint, de la salopette et du nez rougi. Et à la mémoire de mes camarades comiques morts en se faisant chier, essayer de vous faire rire, je vous crache au cul, monsieur. Si le Luron, c'est le champagne, Coluche, c'est le pinard. À le Luron, le costume chic, à Coluche, le corps ingrat du bouffon. Et si tout semble séparer les deux hommes, ils se retrouvent en ce milieu de décennies 70 autour d'un même axe, l'humour politique, ou plutôt politisé. L'un et l'autre, chacun à leur manière, se saisissent de l'actualité pour réagir, commenter, critiquer. Une forme d'humour qui trouve naturellement sa place à la radio, et à la télé d'ailleurs. On mesure l'ascension de cet art qui gratte, qui dérange au rythme des interruptions ou des censures soudaines contre les émissions de l'un ou de l'autre. Coluche raconte par exemple sa première expérience de très courte durée à la télé. Qui n'est pas c'est moi mais... qui ai été viré le plus vite de la télé. Oui. Ça dure un mois, je crois. Hey, un mois quand cinq même. Cinq jours. C'est moi qui ai le record. J'ai été viré le plus vite. Il remplaçait Daniel Gilbert, quoi, non, c'est ça. Et non, vous commenciez déjà à parler des flics à cette époque. Ah, c'est pas pour ça. Non. Si, un petit peu quand même. Non, mais j'étais viré parce que j'étais mauvais. Faut quand même être juste. Et pas parce que vous parliez de Monsieur Marcellin. Je disais seulement bonjour de la part des Nord-Africains entassés dans des bidonvilles. Mais ça, c'est chacun ses oignons. Non, mais c'est pas vraiment pour ça qu'ils m'ont viré. C'est parce que. Mais cela dit, le mec qui m'a viré. C'était pas Noël. C'était pas Noël, non. Ah, je sais plus ce que c'était. Je sais plus. Tu sais, toi? La personne qui sait. Faire rire devient alors le vecteur d'une contestation, un rire de trouble fait d'autant plus fort qu'il répond à un contexte économique et social qui bascule à ce moment-là. C'est la fin des Trente Glorieuses, le début du chômage et de la crise économique. Alors, petit à petit, on commence à s'interroger sur cette place prise par les humoristes, sur leurs convictions, leur rôle, qui sont-ils, à quoi servent-ils? Juste commentateur ou un peu plus? Le Luron répond. On a l'impression, dirait Le Luron, que vous avez dépassé aujourd'hui le stade de l'imitation très proche du modèle pour toucher à la grande caricature, c'est-à-dire celle qui prend l'essentiel et qui laisse peut-être percer un peu de vos intentions personnelles. Un peu comme si vous aviez un message. Oh non, je crois pas, non. Non, non, puisque je chante aussi bien en faisant Jean Ferrat, La gauche et l'avenir de Rome, qu'en parlant de Michel Poniatowski, où je dis que c'est le premier loubard de la bande à Giscard. Donc, vous voyez, entre les deux, trouver une intention personnelle, c'est difficile. Oh. Et faut-il aller jusqu'à la... Je trouve que, personnellement, mes idées n'ont aucun intérêt. Je veux dire, je suis pas un spécialiste de la politique. Moi, je suis là pour amuser les gens. Oui, mais enfin, il y a des amuseurs qui en profitent aussi pour délivrer des messages. Oui, on en connaît. Je n'ai pas cette prétention. Là. Non. Et faut-il aller jusqu'à la méchanceté pour faire rire? Mais je ne suis pas méchant du tout. Déjà, personnellement, dans la vie, je ne le suis pas. Et sur scène, pas non plus. Le temps d'une décennie, Coluche et Le Luron deviennent des vedettes. Jamais jusque-là, deux humoristes n'avaient acquis un tel statut. Les deux hommes dérangent et vont de plus en plus loin. Alors que le président Giscard est dans la salle, en pleine affaire des diamants de Bokassa, Thierry Le Luron n'hésite pas à ouvrir son spectacle par un « bonjour médium ». Quant à Coluche, il repousse encore plus la limite lorsqu'il lance dans une boutade à l'automne 1980 l'idée d'une candidature à l'élection présidentielle. Une blague qui prend de l'ampleur quand Coluche, lui, se prend au jeu avec ce qui a peut-être été sa moins bonne blague, car il brouille les codes, devient juge et parti, et pousse peut-être à un point limite ce nouveau statut pris par la figure du comique dans cette décennie des années 70. Après cette candidature avortée, le rire politique se replie vers le divertissement. C'est le début d'une nouvelle ère qu'incarneront bientôt les retrouvailles en forme de mariage entre Coluche et Le Luron. Ah ben non, c'est fini, j'y vais plus, hein. Bah, il m'est arrivé une histoire extraordinaire. Vous êtes pas au courant, non? Bah, il m'est arrivé une histoire extraordinaire. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te squeeze. C'est aujourd'hui qu'il passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi Zanzibar. Bon, et sur le champ, on est refoulé par les agents. Bon, circulez là. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Et tout le monde était resté chez soi, ça ferait du tort à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard quand la reine reviendra, ma parole nous en viendra pas. On n'est pas là pour se faire engueuler. On est là pour la fête à mon pote. On n'est pas là pour se faire assommer. On est venu faire une petite bolette. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse incroyable. Ouvre cette porte et sors des terres. Ne t'obstine pas, sans ça le prochain coup. Ma parole, je rentre plus du tout. Ma femme a cogné si fort cette fois-là qu'on a trépassé le soir même. Et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient. Aussitôt que l'on s'approche du guichet, on est refoulé et Saint-Pierre se met à gueuler. Alors on n'est pas là pour se faire engueuler, on est venu essayer l'auréole. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est mort, il est temps qu'on rigole. Si vous planquez les ivrognes à la porte, il ne doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se barre. Alors on est descendu chez Satan et en bas c'était les patrons. Ce qui vous prend protestant, quand il est encore temps, on peut finir par obtenir des ménagements. La scène se déroule un soir de septembre 1985 à une table du restaurant Castel dans le 6e arrondissement de Paris à Saint-Germain-des-Prés. Ils sont trois à dîner ce soir-là. Réconciliés, Paul Lederman et Thierry Le Luron sont accompagnés de Coluche. La discussion tourne autour d'un quatrième homme dont tout le monde parle depuis quelques jours, le célèbre présentateur de télévision Yves Mourouzi. Un type étonnant, journaliste assez doué, capable de présenter un journal quasi improvisé, chantre de la transgression dans ce métier où les coincés de la plume et de la parole sont encore légion, audacieux, original, mais pathologiquement people. Voilà qu'il annonce en fanfare et à grand renfort de sponsors son mariage avec la jeune journaliste Véronique d'Alençon. Mariage prévu le 28 septembre 1985 aux arènes de Nîmes. Y sont attendus un millier d'invités, de tout Paris mondain bien sûr. Les trois hommes se moquent de l'incroyable promotion autour de cet événement privé rendu public. Mariage de façade d'un Yves Mourouzi plutôt connu pour ses amours libertins avec les hommes, donc avec les femmes. Et puis, Thierry Leluron a une dent contre ce journaliste qui avait critiqué l'un de ses spectacles. Au fil de la discussion, l'idée germe. Pourquoi ne pas organiser un faux mariage, hein, juste avant, qui copierait celui de Mourouzi et s'en moquerait, interroge Paul Lederman. Ce canular serait une bonne promotion pour le nouveau spectacle de Thierry Leluron, prévu fin septembre au Théâtre du Gymnase. Bien, l'idée séduit les deux humoristes. Marions-nous ? Coluche dans le rôle de la mariée, Leluron dans celui de l'époux. Ce n'est pas la première fois que Coluche se travestit. Depuis quelque temps déjà, il fait évoluer son personnage en salopette et les rouges vers celui d'un homme déguisé en femme, à la coquetterie surjouée et exacerbée. Maintenant, il faut mener campagne pour ce projet. Eux aussi peuvent solliciter des médias. On appelle Europe 1 et Canal+, qui se prêtent au jeu et annoncent à leur tour le mariage du siècle. Toutes les étapes de la mise en scène du mariage d'Yves Mourouzi sont copiées, détournées, caricaturées. Il annonce qu'il a offert à Véronique d'Alençon une robe de chez Cardin. Voilà Coluche et Leluron chez la couturière Poussette pour une séance photo d'essayage burlesque. Enfin, le 25 septembre 1985, trois jours avant celle de Monsieur Mourouzi et Mademoiselle d'Alençon, viennent les noces parodiques de Qui vous savez. Le mariage ne confère aucun droit à chacun des époux en général et en particulier. Les époux doivent se jurer infidélité permanente et réciproque. Aucun des époux ne peut faire un enfant sans le sentiment de son conjoint. Après, attends. Ça marche sur ma robe, là. Acceptez-vous, Thierry Leluron, acceptes-tu de respecter le code dont tu viens d'avoir lecture? Oui. Coluche, acceptes-tu le même code? Oui. Ah non, les gars. Eh bien, ils ont dit oui. Ce 25 septembre 1985, à 11h, sur la place du Tertre à Montmartre, c'est comme si les deux hommes, Coluche et Leluron, avaient voulu offrir le temps d'une journée un concentré de dérision. Tous les codes, tous les symboles sont grossis, détournés. Il faut bien célébrer l'union, ce sera à la Commune libre de Montmartre, cette république imaginaire et artistique créée en 1920 par une bande d'artistes en hommage à la Commune de Paris. À tout mariage, il faut des témoins. Yves Mourouzi annonce Dominique Baudis et Bernard Tapie. Coluche et Leluron proposent Johnny Hallyday et Philippe Bouvard, qui se défilent d'ailleurs au dernier moment et sont remplacés sur le champ par Paul Lederman et Eddie Barclay. Comme un symbole, les deux témoins sont deux producteurs, promoteurs de cet humour politique devenu en cette année 1985, divertissement absolu. Dans le rôle de l'enfant, on retrouve le chanteur Carlos, déguisé en bébé. Pour l'occasion, Michou a envoyé quelques travestis de son cabaret. À mesure que le cortège avance dans les rues de Paris, traversant les Champs-Élysées, la foule augmente autour des jeunes mariés. Et si Coluche se contente d'envoyer des baisers, c'est Thierry Leluron qui met des mots sur cette parodie en forme d'attaque ciblée contre Yves Mourouzi. Notre mariage est bidon. Nous n'avons pas peur de le dire, nous. Et nous n'espérons pas avoir beaucoup d'enfants, mais beaucoup d'articles et de photos dans vos journaux. Qu'on ne nous accuse pas surtout de moquer d'une institution, d'autres que nous vont s'en charger bientôt plus sérieusement. Pour le meilleur et pour le rire, derrière cette farce aux allures de démonstration, en réalité en arrière-plan, se dessinent des choses plus profondes. À revoir les images de ce cortège, on se rend compte qu'à plusieurs reprises, Coluche tend ses lèvres à Leluron qui le regarde, hésite et au dernier moment recule. c'est que le Luron, depuis ses débuts, a toujours eu l'image du genre idéal, tout en gardant un mystère autour de sa vie privée. On l'a vu mettre en scène à plusieurs reprises dans la presse spécialisée ses aventures avec des femmes comme autant de tentatives de réponse de façade. Secret bien gardé, son homosexualité n'a jamais été rendue publique et Thierry Le Luron n'en a jamais parlé parce que l'époque n'était pas assez porteuse de liberté sexuelle, probablement. Et puis, si Coluche est homme de bande, de troupe, avec ses amis célèbres ou non qui vivent à ses côtés dans une maison ouverte 80, Le Luron, lui, est solitaire, enfermé dans son immense appartement parisien où il vit seul. Depuis quelques années, les rumeurs enflent sur ce célibat prolongé, sur son homosexualité supposée, rumeurs que vit mal Thierry Le Luron, bien sûr. Alors, est-ce une tentative de réponse qu'il veut donner à travers ce mariage en forme de boutade? C'est pourtant Coluche qui prend le rôle de la mariée. Allez savoir. Ah, ma jarretière! Ah, je perds ma jarretière! Regardez, elle est tombée au-dessus du genou. Ah, je peux plus. Oh, la merde! Ce 25 septembre 1985, la calèche poursuit sa route vers Europe 1 en début d'après-midi, puis à Canal+, pour le Zénith de Michel Denisot à 19h15. Finalement, la blague du jour se termine par une grande fête où les mariés finissent par divorcer dans l'ivresse partagée, car, disent-ils, les amours les plus courtes sont toujours les meilleures. Au final, certes, ce mariage est l'occasion d'une parade où l'on voit des travestis, des homosexuels, où deux hommes se marient et finissent malgré tout par s'embrasser. Pourtant, la dimension politique, revendicative est comme éteinte, absente. On reste du côté de la farce, du grotesque, de la moquerie médiatique. Ces noces rebelles auraient pu être l'occasion d'un engagement pour les deux humoristes provocateurs. Non, elle restera au registre de la clownerie dépolitisée. Un an plus tard, à quelques mois d'intervalle, Coluche et Le Luron mourront. Le premier dans un accident de moto, le second des suites d'une maladie qui restera longtemps cachée, le sida. Jusqu'au bout, Le Luron continuera à jouer sur scène. Coluche, lui, aura juste eu le temps, le lendemain de ce mariage, en direct à la radio, de lancer une idée comme ça. Mais quelle idée ! Les Restos du cœur. Et c'est une autre histoire. Nous verrons un jour ou l'autre, si vous y tenez autant que moi. Prenons rendez-vous un jour, n'importe où. Je promets que j'y serai sans faute, à Noël comme à la Pentecôte, en Laponie comme à Tombouctou. Plus on est de fous, plus on rit de tout. Nous nous reverrons un jour ou l'autre, j'y tiens beaucoup. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Le monde est petit, profitons-en. Si notre chemin par le mien, ma roulotte croisera la vôtre. Le hasard souvent fait bien les choses, surtout quand on peut les déraper. Une étoile passe et je fais un vœu. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. À la semaine de l'humour dans Affaires Sensibles. Deuxième épisode aujourd'hui, Coluche et Le Luron, avec notre invité Bernard Mabie. Bonjour. Bonjour, ça commence mal parce que quand j'entends Thierry chanter Nous nous reverrons, qui est une magnifique chanson de Charles Aznavour, je nous revois au gymnase et j'ai entendu cette chanson-là 360 fois. Mmh. Et ça me fait toujours le même effet. L'émotion, hein, j'ai vu. Ouais, vous m'avez mis la rate au courbouillon, cher ami. Bon. Moi, maintenant, je vais vous cuisiner, vous voyez. Bon, allons-y. Vous êtes humoriste, enfin, vous l'êtes, et auteur, et vous avez travaillé avec Thierry Le Luron, ouais. Et vous avez bien connu les deux hommes, Le Luron et Coluche. Alors, d'abord, quel souvenir gardez-vous de ce 25 septembre 1985? Où étiez-vous? Qu'avez-vous fait ce jour-là? Eh bien, moi, je n'étais pas au mariage, parce que, si vous voulez, Thierry m'a annoncé au moment au gymnase, le soir, le mariage de Mourouzi, il m'a dit, on va s'en moquer, parce que c'est ridicule et tout. Et je lui ai dit, je me souviens très bien lui avoir dit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et j'ai pas voulu aller dans le sens de cette énorme farce. En plus, il faut quand même voir les choses telles qu'elles étaient. Thierry et Le Luron, bon, vous parlez, on parle d'amitié, on voit amitié, alors que c'est une longue compétition. Mmh. Ils ont démarré avec le même producteur. Quand Thierry a quitté ce producteur, il devait des dates à cette personne qui l'a obligé à faire une tournée avec Thierry, énorme star. Enfin, c'est ce que m'a raconté Thierry. Une tournée avec Coluche qui était plus mise en avant que lui, alors que Coluche était inconnu. Mmh. Il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. En plus, Thierry regrettait de ne pas avoir le public de Coluche. Il aurait voulu avoir un public plus jeune, plus branché. Enfin bon, il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas. Et puis, l'histoire du mariage, revoyons les choses telles qu'elles étaient. Coluche était quand même en perte de vitesse, parce qu'il ne faut pas oublier que Coluche a fini sa carrière en... Je me fais engueuler quand je dis ça, mais c'est la vérité, en racontant des histoires drôles sur une radio périphérique. Thierry était en pleine explosion, parce que le gymnase a été un énorme succès. Et je lui dis, Thierry, c'est le clan Coluche qui va se servir de toi, étant donné que dans un numéro de clown, c'est toujours l'Auguste qui l'emporte sur le clown blanc. Mmh. Et c'est un peu ce qui est arrivé, à mon avis. Puis, et Thierry s'est senti voler à un moment donné. Je pense que c'était un peu avant la cérémonie ou pendant la cérémonie. Et ce qu'on retient, c'est Coluche, quoi. Mais Coluche était immense, immense. Il avait des dons de... Thierry était un magnifique imitateur, un bon amuseur, mais c'était pas un comique, si vous voulez. C'était pas un comique, alors que l'autre avait tous les et dons. Et on va en parler, des dons de l'autre. En tout cas, vous vous souvenez de l'ancien présentateur du 20h, Bruno Mazur, qui envoyait un tweet. Alors, apparemment, il connaît bien l'émission Affaires Sensibles, et il envoyait un tweet en disant, mais ce jour-là, le mariage, j'y étais, et on a bien ri, et on a bien ri, et on a bien bu. Bon, c'est vrai que ça devait quand même être assez... Ah oui, c'était assez arrosé, sympa, mais de toute façon, dès qu'il y avait Coluche et Le Luron, c'était arrosé, il n'y avait pas de problème. Bon, comment avez-vous découvert et rencontré-vous ces deux humoristes? C'est quoi votre histoire avec les deux? Alors moi, j'ai connu Coluche parce qu'à l'époque, j'étais journaliste pigiste au Quotidien de Paris, chez Philippe Tesson, et je m'occupais de parler de musicals, et j'ai eu la chance d'arriver au moment de l'explosion des cafés-théâtres, de l'éclosion des cafés-théâtres. Et Paul Lederman m'a dit un soir, nous étions rue de Berry, il m'a dit, je vais t'emmener voir mon nouvel artiste. Et c'était dans un Coluche, il avait créé un CAF-Cons sous le restaurant Le Val d'Isère qui n'existe pas, on mangeait de formidables fondus, et il y avait une cave, et là Coluche se produisait avec en première partie des gens que Paul avait trouvés au marché aux puces ou dans le métro, vous voyez. Et alors c'était très cruel, parce que je me souviens que le peu de public qu'il y avait leur balançait des pièces de monnaie d'un air de dire rentrez chez vous, et c'était les débuts de Coluche, donc c'était déjà très, très grinçant. Mais il y avait déjà à l'époque les grands sketchs de Coluche, en particulier l'histoire du mec, le couvreur et tout ça, tout était là. Et tout était là de façon aboutie, je dirais, aboutie. Et donc par rapport aux autres, il était au-dessus? Ah ouais, ça c'était très net, il était au-dessus. Paul Lederman avait mis la main sur une pépite. Oui. Et alors après, je l'ai revu plusieurs fois, j'ai même été copain avec, j'ai même fait un petit bout d'émission avec lui sur une radio périph, mais il a traîné quand même deux bonnes années avant de démarrer. Je me souviens d'un théâtre de la Renaissance où on était 25 dans la salle, vous voyez, ça a été long. Et l'invention, le génie de Paul Lederman, parce qu'il n'y a pas de grands artistes sans un génie derrière, c'est la salopette. C'est la salopette. Ah bah oui. Voilà, c'est la salopette, effectivement. Mais chez Coluche, il y a ces dons incroyables de comédien. Ah ouais. On va, pour le plaisir, réécouter un petit bout du Pont de l'Alma. Le Pont de l'Alma, donc, c'est en 1974, soirée électorale. Et donc il arrive, on ne le connaît pas, on le découvre. Et puis il raconte une histoire, c'est l'histoire d'un mec qui est sur le Pont de l'Alma, il perd ses lunettes, il dit « Oh, j'ai perdu mes lunettes dans la Loire ». Puis l'autre, il dit « Mais non, c'est pas la Loire, c'est la Seine ». Point barre. Donc ça se raconte en 10 secondes, ça voilà. Fait pas rire du tout. Sauf que lui, il en fait un truc de 11 minutes, qui, sans rien dire, c'est du génie pur. C'est ce que vous disiez hier en parlant de Fernand Reynaud, c'était la même chose. Ouais. Alors on va réécouter juste pour le plaisir ce petit bout-là, puis on en reparle après. Un mais là non. Non. Là c'est l'histoire d'un mec. Un mec normal, je dirais. Un blanc. Je dirais. C'est formidable parce qu'il y a tellement de gens comme ça qui commencent des phrases, qui les finissent pas, qui pensent se dire beaucoup de choses et qui ne disent rien. Donc c'est merveilleux ça, parce qu'en plus c'est l'humour universel, c'est-à-dire c'est plus qu'un groupe social, c'est l'humanité qui le raille. Alors, c'est pas quelqu'un en particulier à qui s'en prend. Le premier tour de Coluche, le souvenir que j'ai, c'était vraiment des histoires entendues dans les bistrots et tout, et développées après. Ce que faisait Fernand Reynaud, mais avec il faut le génie hein, pour ça. Il faut le génie. Bon, alors on a parlé de Coluche, parlez-moi de Thierry Leluron, plus mystérieux finalement, parce qu'on sait moins de choses de lui. Alors, on rappelle qu'il était obligé de cacher sa vie privée, parce qu'à cette époque, c'était très difficile. Ça ne se disait pas à l'époque, alors. Il faut quand même avouer qu'on a fait des progrès, quand même. À cette époque-là, c'était invivable, quoi. Thierry Leluron était libéré à 3h du matin dans des boîtes gays de la rue Sainte-Anne. Hein. Et là, bon, là, il laissait paraître, mais sinon... moi, je le savais pas en plus. Vous voyez, la première fois que j'ai travaillé avec lui, on m'avait dit, mais je le savais pas. Mais c'est vrai que ça on n'en parlait pas. Alors Thierry, si vous voulez, il y a eu plusieurs complexes. Il a d'abord eu le complexe de l'imitateur, qui est un complexe que je qualifierais aussi le complexe du ventriloque. Et là, Pierre Desproges a écrit une très belle page là-dessus. Ce sont des gens qui existent par la voix d'un autre ou par une poupée, le ventriloque, vous voyez, et qui n'existent pas eux-mêmes. Donc il avait ce complexe. Il avait le complexe de ne pas avoir fait recette au cinéma. Par exemple, quand Marcel Dassault, qui était producteur à l'époque, lui avait proposé de tourner dans un navet que savait faire Marcel Dassault, il était le plus heureux du monde, et ce n'était pas pour le cachet. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il en voulait aussi à Coluche. Et puis alors il avait quand même l'énorme complexe de ne pas être un chanteur reconnu, il se voyait chanteur reconnu. Par exemple, nous, on se fâchait pratiquement tous les soirs. Hein. C'est-à-dire qu'à 3-4 heures du mat, on était fâchés. Et le matin, je l'appelais à 10 heures et je lui disais, tu sais, j'ai rêvé un truc pour toi, il faudrait que tu chantes et tout. Et là, hop, c'était reparti. Il se voyait chanteur. Il se voyait tout sauf imitateur. Et pourtant, c'est un génie. Vous savez, quand moi, j'ai travaillé 7 ans avec lui, je ne l'ai jamais vu répéter. Jamais. Surpris dans une répétition de voix et tout, rien. Tout était donné au filage. Alors j'explique, le filage, c'est donc une répétition lumière sur scène, et c'est là que je découvrais les voix. Alors, il y avait un débat à cette époque-là, on était, comme on a été Beatles ou Rolling Stone, on était un peu Leluron ou Coluche. Alors ce qui est un choix idiot, parce que c'est fromage et dessert, on peut très bien aimer les Beatles et les Rolling Stones, comme on peut tout autant aimer Coluche que Leluron. C'est un débat idiot, n'empêche que le débat il existait. Qu'est-ce qui les différenciait, qu'est-ce qui les unissait finalement? Bah, y en avait un qui était beaucoup plus sauvage, c'était Coluche, quoi, l'enfant de la rue, aujourd'hui on dirait de la cité, et un garçon propre qui arrivait de sa Bretagne. Vous savez qu'il est arrivé de Bretagne, il avait 14 ou 15 ans, il est passé au Don Camillo en audition libre. Et là, c'est là, je n'étais pas là et je n'ai pas vu de film, puisqu'on filmait pas à l'époque. Mmh. Et là, il a eu le droit à une standing ovation. Vous voyez, c'était le mec qui avait vraiment le goût artistique, le génie artistique en lui. Et il était, je pense, prisonnier de... C'est ce que j'avais dit une fois, il était en smoking dans son corps, habillé toujours sur mesure et tout, mais il était vraiment en jean dans sa tête, c'était ça Thierry. Thierry, il n'y avait rien de plus qui lui faisait plaisir que d'aller bouffer un sandwich au zinc et de boire un verre de vin rouge, vous voyez. Mmh. Il a toujours vécu en décalage. Alors décalage, bon bah, cacher quand même son homosexualité, ça ne doit pas être facile. Ben non. Et puis décalage, parce qu'il a réussi dans une voie et face à un public, c'est pas ce public-là qu'il voulait avoir. Alors ouais. Que c'était, je lui dis, mais tu te rends compte, tu remplis des salles, Paris, on faisait 400 représentations. Très populaire. Ah bah, très populaire. Il n'avait pas un public d'aristocrate, il était populaire. Non, il était populaire. Et il ne savait pas, il n'en avait pas la conscience. C'est lui qui s'est enfermé dans tout ça, si vous voulez, les Mercedes, les machins, le majordome. Mmh. La première fois que je suis allé dîner ou déjeuner, je ne sais plus, chez lui, il y avait quand même il y avait le majordome en gants blancs et la vaisselle de vermeil, quand même. Vous voyez, un petit côté parvenu, quand même. Hein. Alors que Coluche ne s'embarrassait pas de ça. Ah ben je suis allé une fois au parc Montsouris chez Coluche, c'était pas du tout ça, c'était pas la même ambiance. Et puis, il continue à aller voir maman à Malakoff. Hein. Je crois qu'il allait voir sa mère. Il y avait ça. Il était encore dans la vie qui était la sienne. Quoi. Alors qu'à 3h du matin, on était totalement libérés. Quoi. C'était les grosses fiestas façon décadence de Rome. Bien, bien. Père Mabi, on va se retrouver dans 3 minutes après avoir écouté Rex Orange County Loving It Easy. Forever to find it. I was all on my own, almost glad to be alone until love came in on time. Oh, on time. Loving is easy. You had me fucked up. It used to be so hard to see. Yeah, loving is easy. When everything's perfect. Please don't change. Bien, nous voilà plongés dans les années 80, en parlant avec Bernard Mabi de Thierry Loluron et de Coluche, bien sûr. Bernard, il y avait aussi, à l'époque, des proches. Voilà, un autre grand, alors qui est différent, lui. Hein. Pierre, j'ai eu la chance de travailler plusieurs années avec lui, au moins 2 ans avec lui, tous les jours dans cette radio, hein, Pierre ouais. Desproges. C'était totalement autre chose, hein, c'était vraiment plus un littéraire. Il cherchait pas le rire pour le rire. Il était pas facile, Pierre. Hein. Non, je vous jure qu'il n'était pas facile. Nous, on s'engueulait souvent, mais il y avait quand même, il y avait l'écriture, quoi. Moi, je lui en voulais. Alors, moi, il m'en voulait parce que j'étais soi-disant de gauche. Et moi, je lui en voulais parce qu'il écrivait à l'Aurore, à l'époque où l'Aurore était quand même un journal réac. Je me souviens d'un titre de l'Aurore, il y a donc de ça 50 ans, on en parle aujourd'hui, mais qui proposait de tondre les étudiants. Et Pierre écrivait, bah, il avait besoin de bouffer. Hein. Pierre écrivait à l'Aurore. Donc, on était en chamaillerie régulièrement, mais on s'estimait beaucoup l'un l'autre. Alors, on reparlera dans cette semaine de l'humour de Pierre Desproges, vendredi, dans notre fiction du vendredi, elle sera consacrée à Pierre Desproges, je ne vous en dis pas plus. Non, je vous ai parlé de Desproges aussi, d'abord parce qu'on l'aime, et en plus parce qu'il rencontre, il croise la route de Thierry Leluron avec ce fameux sketch. Vous avez des souvenirs de ce sketch, comment il l'a préparé, comment ça s'est passé? Pas du tout, parce qu'à l'époque, je ne connaissais pas Thierry. Thierry était très, très, très, et je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui aujourd'hui devraient faire autant. Thierry était très... il sélectionnait ses auteurs. Vous savez que le premier auteur de Thierry, ça a été Francis Weber, quand même. Mmh. Ouais. Et après, il a pris Patrick Fon, tiens, que je salue, qui a fait beaucoup, beaucoup Patrick Fon pour faire avancer l'humour dans ces années-là. Et puis, il y a eu Desproges, et il a travaillé avec Jean Lacroix, qui était chansonnier. Enfin, il était très, très, très sourcilleux et pointu sur ses auteurs. En tout cas, ces deux comiques rois du one-man show de l'époque, rois de la scène, se sont essayés en radio et en télé comme présentateurs d'émissions. Ça n'a pas été terrible. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne travaillait pas assez? Vous savez que c'est du boulot quand même. Ah oui, ça, hein, je suis bien passé pour vous le dire. Vous savez, quand vous avez un nom, vous proposez tas de trucs, c'est tentant de les prendre, ouais. Mais c'est quand même assez... Alors bon, bah, Thierry avait une équipe, j'étais pas seul, hein, il y avait Pierre, il y avait Bernard Pilot, enfin il y avait quelques gens qui travaillaient donc pour lui, parce que Thierry, on avait une émission à 11h le matin sur Inter par exemple, parce qu'on a fait toutes les radios ensemble. Il arrivait à 11h moins une, hein, il sortait de son lit, il savait pas du tout ce qu'il fallait. Ah, genre qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Oui, c'est ça, bon. Mais... Ça pardonne pas, hein, en radio. Non, vous savez ce qui me fait mal quand je pense à ce mariage, c'est ce pied de nez qu'ils ont voulu faire à la vie, entre guillemets, et penser que 5 mois après, ils étaient morts tous les deux, ils avaient disparu tous les deux. Ouais. Et Pierre a suivi très, très peu de temps après. Et je me souviens, j'étais en voiture et j'entends un flash sur la mort du comique et j'avais pas entendu le nom, je savais pas qui c'était. Et j'étais persuadé que c'était Thierry, donc j'ai appelé immédiatement. Et c'était Coluche en fait, c'est ça? C'était Coluche. Donc c'est juin 86. Alors écoutez, faites bien en parler parce qu'on va écouter Thierry Leluron, justement à ce moment-là. Ouais. Hein, il réagit à la mort de Coluche. Ah ouais. Je crois qu'il a apporté une révolution. Il a créé le nouveau rire, je pense qu'on peut le dire. Puisque avant Coluche, il y a des tas de tabous qui régnaient encore. On hésitait à se moquer de la religion, des mœurs, etc. Et Coluche a fait sauter en éclats tout ça. C'est pourquoi je pense qu'il a été extrêmement utile à tous ses camarades, déjà, dans un premier temps. Et puis même, d'ailleurs, je crois, à la France, pour la décontracter et contribuer à la libérer de certaines hypocrisies. Sans être provocateur ou poseur de bombes, je veux dire, on aime bien aller un peu trop loin. C'est la phrase de Cocteau, faut savoir jusqu'où aller trop loin, et les humoristes n'aiment pas trop le savoir. Mais je pense que nous devons tous à Coluche ça, le fait d'avoir fait vraiment voler en éclats des carcans et des tabous dans le comique. Alors on pourrait dire, oui, après un décès, ce sont des propos de circonstance, parce qu'en fait... Non, apparemment, il y a une vraie sincérité. Hein. C'est vrai que Coluche, j'allais dire, a fait avancer le schmilblick, mais c'est vrai, il n'y a pas de mystère. Mais il faut reconnaître que c'était une époque... moi, j'ai pas écrit pour Coluche, mais avec Thierry, par exemple, où on écrivait en toute liberté, on pouvait tout dire, il avait beau être copain avec Giscard ou Chirac, on pouvait lui leur taper dessus, jamais il a rayé une phrase. Vous voyez, on était comme des gosses, quoi. On était des mômes qui tirions la moustache de l'instituteur, je sais pas comment dire. On était très, très, très libre, très libre. C'était une époque où tout le monde était libre. Il faut penser aussi à Choron, il faut penser à Rakiri. J'en ai parlé aussi. J'en ai parlé pendant le récit. C'est aussi cette culture de cette époque-là. Tous ces gens-là, oui. Mmh. Thierry faisait des romans photos pour Rakiri. Allons-le. Choron sachant exactement qui il était, il lui mettait toujours le nez entre une grosse paire de seins. Bon, c'était les années Palace aussi, hein. Ah oui, 80. Les années Palace, oui. Fabrice Aymer, les soirées au Palace. Oui, bien sûr. Bien Thierry, sûr. Thierry habillé en Louis XIV avec Sapritch qui recevait ses amis. Frédéric Mitterrand faisant tutu du trapèze volant au Palace. J'ai connu tout ça, quoi. C'était l'insouciance qui coulait à flot, et puis le pognon quand même. Hein, parce oui, parce qu'on ne faut pas ouais. oublier de dire que les années 80 ont ouais, été quand même ouais, les années ouais. qui ont apporté l'idéologie du fric. Donc il y avait l'idéologie du fric, mais il y avait la liberté. Il y avait la liberté, il y avait la folie. après un spectacle de l'Oléon en province, on allait faire, on faisait 250 km pour aller à Salon de Provence manger des pâtes, où on retrouvait Claude François, Johnny et ces gens-là. Vous voyez, ça, aujourd'hui, on rentre, on fait ses comptes, on regarde si on peut payer tout le monde, et puis voilà quoi. Bon, ben aujourd'hui, vous êtes venu nous rendre visite, c'est déjà bien. Ah oui, j'étais content. Bonheur comme ça qu'il faut capter. Ah, j'étais content. Bien sûr, moi aussi. À bientôt, au revoir. Ah, merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Thierry Leluron et Coluche, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui.